Mosaïque. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Pacifique Chubahiro est au micro de cette émission. Le 15 septembre de chaque année est une journée internationale dédiée à la démocratie. Ce système de gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple a été préconisé depuis la lutte pour l'indépendance avec le parti prenant dans les années 1960. Des gouvernements militaires se sont succédés par coup d'état militaire jusqu'en 1992 avec l'avènement du multipartisme, symbole de la diversité d'opinions politiques comme un des piliers de la démocratie. À côté du multipartisme et la liberté d'opinion, la démocratie se fonde sur le respect des droits de l'homme, le droit au peuple de disposer d'eux-mêmes, la bonne gouvernance et le développement centré sur le bien-être des citoyens sans exclusion. La démocratie est tantôt perçue comme un idéal. Le pouvoir actuel considère faire son bonhomme de chemin en respectant les piliers essentiels de la démocratie. Une position que le pouvoir ne partage pas avec l'opposition qui voit en noir la démarche gouvernementale sur plusieurs aspects en matière du respect de la démocratie. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous revenons sur ce système de gouvernance au Burundi. Quel est l'état des lieux de la démocratie au Burundi? Quels sont les défis rencontrés vers l'idéal de la démocratie? Que faire pour que la démocratie soit un mode de gouvernance au Burundi? Voici les quelques interrogations et bien d'autres qui feront objet de notre débat mosaïque d'aujourd'hui. Au studio, nous avons quatre invités. Nous accueillons Terence Nairaja, assistant du ministre de l'Intérieur, et porte-parole à son ministère. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, chers invités. Bonjour, chers auditeurs. Merci, messieurs les journalistes, de nous avoir invités. Nous accueillons également honorable Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et je vous remercie de m'avoir invité. Merci aussi pour m'avoir donné cette occasion de rencontrer mes collègues que j'ai... Il y a longtemps que je ne les ai pas rencontrés. Nous accueillons également dans le studio de la radio Isanganiro et dans Mosaïque, Faustin Dikumana, représentant légal de Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités par SEM. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de nous avoir invités. Nous sommes également avec ambassadeur Denis Banchimiyoussa, doctorant en sciences politiques. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, merci pour votre invitation. Salutations à tous ceux qui nous écoutent également. À la réalisation de cette émission, Charles Makoto, la technique est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti. À l'animation de Mosaïque d'aujourd'hui, Pacifique Chubahiro. À vous tous, à l'écoute de cette émission, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Terence Nairaja, au niveau du ministère de l'Intérieur et du gouvernement dans l'ensemble, comment vous appréciez l'état des lieux de la démocratie au Burundi? La démocratie au Burundi a connu beaucoup de difficultés et suite justement à des événements malheureux, successifs et multiples qui ont frappé notre pays. Juste en guise de rappel, si on commence juste à la veille de l'indépendance, les années 1960, il y avait un peu de démocratie au Burundi avec le parti prenant et d'autres partis politiques. Un des piliers de la démocratie, c'était le multipartisme qui était là, effectivement. Et comme vous l'avez constaté, la situation a commencé à être compliquée au moment où, justement, la majorité des Burundais étaient rassemblés au niveau du parti Iprona et ils voulaient l'indépendance immédiate, difficulté immédiate, assassinat du leader, et les problèmes commencent. Toutefois, les Burundais qui avaient déjà bien compris l'enseignement du prince Louis Rwagasore ont continué la lutte jusqu'à obtenir en 1962, cette indépendance. Et la situation a évolué un peu, mais voilà qu'en 1965, les élections sont là, les honorables députés élus assassinés. Vous voyez que toute la démocratie a été sabotée de manière vraiment tragique. Et puis, en 1966, il y a radiation des partis politiques par un gouvernement qui était là, et qui venait de faire un coup d'État du royaume, effectivement. Et il y avait le capitaine Michel Michomero. C'est le parti prenant et resté. Effectivement, et ce parti, il y avait aussi la plupart des membres fondateurs de ce parti qui étaient déjà assassinés. Les vitesses ont commencé au niveau du seul parti unique qui restait. Voilà que les forces de l'ordre ont pris le parti armé, coup d'état successif. Ici, on peut rappeler le capitaine est toujours, et on peut rappeler le colonel Jean-Baptiste Bagaza, on peut rappeler le major Bouyoya. Et voilà que les années 1990, et heureusement, nous sommes avec l'honorable Léo Senghe Dakoumbana, qui à ce moment était un jeune homme fort en démocratie et qui luttait pour la démocratie et qui était en train de fonder justement le parti Sahwanya Front Debout. Et il a eu des difficultés. Il y a eu la renaissance, je dirais, de la démocratie au Burundi, avec toujours la naissance du multipartisme et d'autres piliers de la démocratie, mais en vain. En vain parce que juste un premier président démocratiquement élu, son excellence Melchior Ndadaye, il a été assassiné après avoir gouverné 90 jours. Vous voyez que c'est très grave. Donc aujourd'hui, la démocratie au Burundi a eu des problèmes. Or, quand il y a la sécurité, les autres les piliers ne peuvent pas fonctionner. C'était un problème. Et voilà qu'après la mort du chef de l'État, il y a eu deux problèmes graves, fuite de la population à l'étranger. Il y avait d'autres qui étaient toujours à l'étranger. Ici, on n'est pas revenu aux années 72. Ce sont des histoires malheureuses qui ont frappé la démocratie. Et ici, alors, il y a eu des rébellions à gauche, à droite. Et voilà que finalement, le résultat était l'accord d'Arusha. Donc, l'accord d'Arusha a mis en place la constitution de 2005. Le témoin, c'est l'honorable Léo Senghe Dakoumbana, qui d'ailleurs était au pouvoir à ce moment. Ils ont essayé de fournir des efforts en 2015 pour qu'en fin de compte, la démocratie puisse encore une fois renaître et évoluer. Et ce que je dirais, jusqu'à aujourd'hui, il y a la démocratie, mais pas tous les piliers ne sont pas, je dirais, remplis en totalité. Les difficultés ont toujours existé en témoigne l'année 2015, où il y a certains Burundais qui, jusqu'à maintenant, pensent qu'il faut arriver au pouvoir par les forces. Justement, par rapport à ces piliers, à oui. Quel niveau sentez-vous plus de faiblesse par rapport à certains que par rapport à d'autres? Moi, ce que je trouve, c'est que je trouve que les politiciens burundais, voire même la population burundaise, la plupart d'entre eux n'ont pas encore, ne se sont pas encore imprégnés des principes démocratiques. Sinon, ces comportements de haine entre les Burundais, ces comportements de pouvoir prendre le pouvoir par force, ces comportements de ne pas aimer l'autre, de ne pas laisser l'autre s'exprimer, ne pourraient pas se manifester à nos jours, n'est-ce pas? Il y a certains Burundais qui ne se sont pas encore imprégnés des principes démocratiques, des enseignements de la démocratie, des valeurs démocratiques. Donc, nous avons quand même évolué. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui des institutions qui sont élues par le peuple, c'est déjà élu par. Et deuxièmement, il y a aussi la sécurité et dans le pays. Et tout le monde évoque ses activités. Il existe à évoluer dans d'autres domaines au niveau du développement, comment travailler, comment accélérer la coopération, comment développer le pays. Et on est toujours en cours de chemin, on est au travail. Il y a une évolution dans tous les domaines, mais l'étape qui reste est encore aussi importante. Léon Senghe Dakoumbana, en 1992, le parti Front Debout voit le jour. Et là, il fallait lutter contre d'abord un régime qui n'est pas issu des urnes. Vous réclamez entre autres la démocratie et c'était l'idéal pour votre parti. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de cette démocratie recherchée par Merci beaucoup. D'abord, comme vient de le faire mon collègue qui parle au nom du gouvernement, la démocratie a connu des difficultés dans son pays. La démocratie au Burundi se trouve dans un contexte, dans un pays qui n'a pas de tradition démocratique, qui n'a pas de tradition parlementaire. C'est récent. Même si on dit que ça date de très longtemps, au Burundi, c'est récent. Il vient de le dire, les Burundis ne sont pas encore acquis aux principes et aux valeurs démocratiques. Et ce n'est pas de leur faute, c'est le contexte. En tout cas, au niveau du Front Debout, le nom même l'indique. C'est un front où se malaxent beaucoup d'idées. C'est un parti qui accepte même des courants en son sein. Des courants en son sein. Il y a un débat contradictoire. Et dès lors qu'il y a la tolérance, et dès lors qu'on aboutit à un compromis, alors la minorité se soumet à la majorité. C'est la règle du jeu. Donc même au niveau du pays, ça doit fonctionner comme ça. Il faut qu'il y ait le respect des fondements de la démocratie comme le fonctionnement des partis politiques. Politique ne fonctionne pas aujourd'hui. Les partis politiques existent de nom. Et la plupart des partis, ce sont des partis qui ont été créés par le pouvoir. Les partis ont été divisés en ailes antagonistes et même presque irréconciliables à cause du pouvoir. Et ça, c'est vraiment, c'est un des piliers de la démocratie. Deux, le deuxième pilier, c'est la société civile. La société civile aujourd'hui a été complètement divisée aussi. Il y en a même qui se trouvent aujourd'hui à l'extérieur du pays. Ce qui fonctionne ici le sont très mal. Il y a les médias. Les médias, certaines radios ont été fermées, d'autres ont été brûlées. Il n'y a que la radio Isanganiro qui fonctionne aujourd'hui. Je ne sais pas par quelle astuce fonctionner. Mais l'autre pilier, c'est la préparation et l'organisation des élections. Alors, je ne serai pas comme Faustin qui parle d'élections libres, apaisées, transparentes et démocratiques. Ça, c'est trop pour Burundi. Ça, c'est trop. Parlons plutôt des élections acceptables par toutes les parties qui vont en compétition et qui sont quand même appuyées par nos partenaires. Disons comme ça. Sinon, ces histoires-là, c'est pour les sociétés avancées en démocratie. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire en deux mots, l'idée, le principe de la démocratie existe au Burundi. Les signes, les symboles de la démocratie existent au Burundi. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le renforcement de ces principes, de ces valeurs. Parce que la nation burundaise aujourd'hui est bâtie sur des valeurs qui ne sont pas de nature à promouvoir cet état de droit, cet état démocratique, et cette société juste équitable. On observe à gauche et à droite de l'intimidation, on observe à gauche et à droite des pratiques de corruption. Mais si vous évoquez le principe démocratique existe et que les piliers, au fond, ne sont pas solides, oui. Finalement, c'est un principe qui est battu sur le sable. Presque. Mais l'important est qu'aujourd'hui, dans l'esprit des Burundais, la démocratie est à marre nécessaire. Maintenant, nous sommes dans une phase de la démocratie. Comme le peuple a déjà compris que la démocratie est la voie la meilleure pour être libre, hein, être bien gouverné, être bien, ça veut dire que le peuple va continuer à combattre jusqu'à ce que la démocratie soit une réalité. L'important, c'est que ce principe aujourd'hui se trouve même dans la bouche de ceux qui sont au pouvoir. À l'époque, quand nous avons créé le parti Sahara Fortiba en 1992, l'IPRONA était complètement contre. Mais aujourd'hui, je pense que l'IPRONA défend plus les principes démocratiques plus que le Fortiba. Je les aime. Pas cet IPRONA qui se trouve dans les... L'IPRONA. Permettez, je reviendrai vers vous. Pas cet IPRONA qui se trouve... Honorable Léon Nguendakumana. Voilà pour Léon Nguendakumana qui se satisfait quand même que tous les partis aspirent toujours ou sont en consensus sur le principe démocratique. Faustin Dikumana, au niveau de Parsem, comment trouvez-vous la situation de la démocratie au Burundi? Bon, je dois dire que d'abord, au niveau de la définition, bon, on a toujours dit la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. De toutes les façons, c'est un régime qui doit donner la parole aux citoyens. Exactement. Le citoyen n'est plus un sujet. Le citoyen n'est plus un sujet, c'est un citoyen qui a des droits, qui exerce des droits. Et le dirigeant est appelé à être redevable. On a vu alors parler de l'état de droit. L'état de droit, comme M. Rose l'a dit, c'est un état qui est régi par des lois, mais ça ne se limite pas là. Des lois qui protègent les droits des citoyens. Absolument. Les gens oublient. Un état de droit, ce n'est pas. C'est un état qui réagit par des lois, mais des lois quand même qui protègent les droits et les intérêts des citoyens. Qui ne protègent pas a priori le dirigeant. Voilà, c'est ça l'état de droit. Parce que même les mauvaises lois, on peut les ériger, puis on dit. On s'érige en état de droit, alors que ce sont des lois quand même qui violent l'intérêt ou qui ne protègent pas les droits des citoyens. C'est ça là, ce qu'on appelle état de droit. Alors, la démocratie, on doit alors l'analyser sous deux phases. Il y a l'accession démocratique d'abord au pouvoir. L'accession au pouvoir doit être une accession démocratique et puis l'exercice démocratique du pouvoir. Au niveau de l'accession démocratique au pouvoir, c'est par des élections. J'ai parlé de libre, transparente, équitable. C'est l'idéal. Mais ici, on m'a dit que des élections sont acceptées par tous. Mmh. Ils sont acceptés par tous parce qu'ils tendent justement à cet idéal. Parce qu'elle a été transparente. J'imagine marre des élections acceptées par tous quand elles n'ont pas été transparentes. Quand elles n'ont pas donné de l'espace médiatique, espace politique à tout le monde, dans l'équité. L'organisation des élections est quelque chose de très très fondamental pour minimiser même les prétextes des gens qui vont contester là, les élections. C'est pour cela que le pouvoir, normalement ceux qui sont au pouvoir, c'est bien eux qui ont l'intérêt d'organiser des élections transparentes justement pour minimiser les prétextes des gens qui vont vouloir contester les résultats. Donc essayer d'être plus transparent, d'être inclusif pour minimiser justement les prétextes des contestataires. À ce niveau, y a-t-il un hic pour le moment par rapport dont... C'est une remarque générale parce qu'il y a ici et là élection, contestation. Et quand on parle de l'exercice démocratique du pouvoir, c'est justement alors cette séparation de pouvoir. Le fondement, c'est la séparation de pouvoir. Ce qui différencie un régime monarchique monarchique dans un régime démocratique sera séparé du pouvoir. Parce que dans une monarchie ou dans une dictature, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire sont confondus. Alors que la démocratie, au fondement, il faut les séparer. L'indépendance de la magistrature, le parlement qui exerce réellement le contrôle du gouvernement, l'exécutif qui est régi par des lois, ce sont les fondements. Et aussi, quand on parle de l'opposition, de l'opposition, pluralisme politique, société civile, c'est pour justement que la voix citoyenne ait toujours l'œil vigilant par rapport au comportement des gens qui ont été élus. C'est ça l'exercice démocratique. Justement, et par rapport à ces fondements, doit aboutir alors à l'amélioration du bien-être citoyen. Justement, par rapport à ces fondements de la démocratie, aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Justement, de j'allais dire que si on part de 1962, et après la brève période monarchiste post-indépendante de 1966, de 1966 à 1993, on a connu des régimes de dictature militaire. Des fois, il n'y avait même pas, des fois, sans constitution, sans parlement. On pouvait passer 4 ans sans constitution. On pouvait passer des régimes sans parlement, sans assemblée nationale. Comme ça, le président avait le pouvoir de décréter de tout. Et puis en 93, il y a l'avènement de la démocratie, hein, soi-disant Assemblée nationale, quoi, pouvoir, opposition. Et de 1993 à bientôt 2020, c'est 27 ans inconnus. Nous sommes presque à égalité au niveau de longévité, mais on voit qu'il y a des pratiques qui ne disparaissent pas, malheureusement. Et au niveau des dividendes, on voit quand même que le peuple burundais n'a pas eu déjà vraiment des dividendes comme il attend. On est toujours dans l'instabilité politique. Des fois, on a toujours des réfugiés. Quand on parle d'aspect sécurité, quand il y a des réfugiés, c'est comme si on était à l'époque des années antérieures. C'est évident. On peut dire qu'on va faire la campagne de faire rentrer les réfugiés, mais c'est ça le résultat aujourd'hui. Il y a des problèmes justement aussi de la justice, des fois des droits de l'homme, on parle ici. Aussi la pauvreté endémique aujourd'hui, le chômage, le découragement économique n'a pas eu lieu pour vraiment faire que le citoyen burundais ait ses dividendes. Même si on s'engage dans cette démocratie, mais la culture démocratique est encore déficitaire. Pourquoi? Et on a toujours les mêmes pratiques. Certains avancent même que dans le sens même du Burundais, dans sa vie quotidienne, oui, la culture démocratique reste en déficit. C'est ça alors. Maintenant, on va dire, est-ce que qui doit impulser cette dynamique de démocratie dans le changement de comportement? Est-ce que c'est le citoyen? Est-ce que c'est le dirigeant? Mais il y a les praticiens qui ont fait des universités qui savent ce que c'est la démocratie. Il y a ceux qui pratiquent, l'homme politique aujourd'hui, il est au pouvoir, il est à l'opposition, il ne peut pas toujours s'exonérer de dire, je n'ai pas encore compris la culture démocratique, mais il faut se faire sauf cette violence. Nous y reviendrons sur partage de tolérance. Vers ce qu'il faut faire justement pour atteindre cet idéal de la démocratie. Ambassadeur Denis, on parle d'un idéal si on évoque la démocratie. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous par rapport à l'évolution vers cet idéal ici au Burundi? Le concept de démocratie prend sa source dans la cité d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, et que étymologiquement, il est composé par deux mots grecs, demos qui signifie peuple et kratia qui signifie gouvernement. Donc c'est un gouvernement du peuple. Probablement que c'est ce qui a fait dire à Abraham Lincoln que la démocratie c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Actuellement, on parle d'une démocratie pluraliste, c'est-à-dire qui nécessite un multipartisme et lequel multipartisme occasionne une compétition multipartite. Alors, la démocratie, je pourrais dire qu'elle comporte deux aspects principaux. D'abord, il y a l'aspect formel et l'aspect matériel. Pour l'aspect formel, la démocratie est un système de gouvernement basé sur des normes et des institutions juridiques qui permettent au peuple de prendre part à la désignation de ses gouvernants et à prendre part à la prise de décision. Deuxièmement, il y a l'aspect matériel. Dans cet aspect matériel, la démocratie exige une culture politique démocratique. Et sous cet aspect, il y a les valeurs alors. Viennent alors les valeurs qui animent la démocratie, et ce sont celles qui sont basés sur les droits de l'homme, comme l'égalité, la liberté, la tolérance, la fraternité et la résolution pacifique des conflits. Autant dire que, pour ce dernier sous-aspect, la résolution pacifique des conflits, autant dire que la violence, c'est l'ennemi numéro un de la démocratie. Alors, les deux aspects doivent aller de pair. Si vous avez une constitution et des institutions qui sont là de manière démocratique, mais s'il n'y a pas de culture politique démocratique au sein du peuple, au sein de la population, on ne peut pas avoir de la démocratie. Parce que, comme elle le disait en français, qui s'appelle René Otaïek, on ne peut pas avoir de démocratie sans démocrate. C'est impossible. Alors, s'il faut rebondir sur la situation actuelle, il faudrait aussi rappeler que dès qu'il y a eu multipartisme pour la période de l'indépendance au Burundi, il y a eu cette idée de démocratie, mais autour des années 1960, ce n'était pas l'idée de démocratie qui était en avant. Ce qui était en avant, c'était l'indépendance. L'indépendance cachait la démocratie parce qu'on ne peut pas parler de démocratie lorsqu'on est encore sous colonisation. Alors, après, le multipartisme a été aboli au profit d'un monopartisme le 23 novembre 1966. Là, il s'agissait des régimes dits autoritaires, carrément. Et puis, en 1993, on a renoué avec le principe de démocratie pluraliste, justement en commençant par avoir une constitution qui reconnaît le multipartisme. Mais avec les élections, la compétition électorale de 1993, vous vous rappelez que la démocratie a été décapitée. S'en est suivi une très longue guerre fratricide. Et c'est à partir de l'accord d'Arusha que les bases d'une nouvelle transition démocratique ont été jetées. Et que les élections générales de 2005 sont venues comme étant le couronnement des bases tracées par l'accord d'Arusha. Alors, généralement, on pourrait penser qu'avec les élections de 2005, le boulevard était tracé pour une nouvelle transition démocratique réussie. Faudrait nuancer. Tout n'est pas rose. Même s'il y a un héritage démocratique, comme le disaient mes collègues, même s'il y a un héritage démocratique qui ne peut pas s'effacer, par exemple le fait d'avoir l'idée qu'il faut accéder au pouvoir par les élections, le fait qu'il faut qu'il y ait un multipartisme, quel que mauvais soit-il, mais il doit y en avoir, le fait par exemple d'avoir la liberté d'expression, le fait d'avoir la liberté d'association, le fait d'être libre. Donc ça, ce sont des héritages. Mais même s'ils ne sont pas parfaits, les héritages sont là. Alors, pourquoi nous n'avons pas pu réussir cette transition démocratique? Comme le disaient mes collègues, d'abord, il y a cette absence de culture politique et démocratique au sein des Burundais. Nous n'avons pas cette culture politique et démocratique. Je dirais pas que c'est pas la faute aux Burundais, mais tout simplement, je dirais que quand même, c'est une socialisation qui doit prendre tout son temps, parce que dans les vieilles démocraties occidentales, ça a pris des siècles. Alors, lorsque je dis que je ne dis pas que c'est pas la faute au Burundi, quand même nous avons des dirigeants qui doivent inculquer cette idée au peuple, c'est-à-dire qui doivent, les leaders, c'est même le sens d'être leader, c'est-à-dire montrer le chemin, étant donné que nous avons au Burundi plusieurs, pour ne pas dire tous, plusieurs partis politiques. Si on admet déjà qu'il y a une démocratie, lorsqu'il y a des démocrates, est-ce qu'au sein de ces leaders déjà, ils ont déjà ces valeurs de démocratie? Finalement, on se demande qui va éduquer d'abord les dirigeants pour qu'ils éduquent la population. Voilà justement, on n'est plus dans la démocratie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ. Là, ce n'était pas l'élection qu'on utilisait pour avoir des dirigeants. On procédait par le tirage au sort. C'est-à-dire, on était élu sans se faire élire. Aujourd'hui, il y a l'élection. C'est-à-dire, il y a des candidats qui signifient hommes blancs, c'est-à-dire dignes de diriger les autres. Il y a un candidat, il y a des candidats qui se mettent devant et qui nous disent qu'ils vont apporter de la démocratie. Ça pose un problème de listes bloquées. Bon, tout le monde ne passe pas par les listes bloquées. Il y a les élections présidentielles, par exemple. Là, c'est individuel. Et les élections collinaires. Les élections collinaires, ça, c'est sans parti politique, n'est-ce pas? Voilà. Il y a aussi les indépendants. Voilà. Mais là où je voulais en venir, c'est que on nous présente des programmes. C'est-à-dire, on nous dit, nous allons vous apporter de la démocratie. Est-ce qu'ils nous disent ce qu'ils ne savaient pas? Autrement dit, il faut qu'ils se fassent violence pour être démocrate, et il ne faut pas sucer le côté sucré de la démocratie et rejeter le côté amer. C'est-à-dire, si, comme disait le sage Mandela, il disait quoi? Il disait être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, mais c'est surtout vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Alors, si vous voulez que vous soyez libre, il faut admettre que les autres aussi le soient. Si vous voulez faire de la politique, il faut admettre que les autres aussi le fassent. Si vous voulez être dans un parti politique, il faut admettre que les autres aussi soient dans un parti politique. Autrement dit, les dirigeants, les leaders politiques sont appelés à être des exemples pour inculquer et impulser cette culture politique et démocratique. Je passe la parole à Terence Nahiraja. Il y a Léon Singendakoumana qui évoque l'action même du gouvernement pour saper certains efforts vers la démocratie, notamment le fonctionnement normal des partis politiques. Et il y a aussi Faustin Ndikoumana qui dit que la démocratie, c'est un système qui doit mettre le citoyen en avant dans tous les aspects. Aujourd'hui, c'est la même façon de voir et d'opérer du côté du gouvernement. Mais il y a un élément d'abord que je voudrais éclaircir par rapport à la fermeture des médias qui ont été évoqués par Honorable Singendakoumana. Il a parlé aussi de la société civile qui est bloquée. Il a parlé aussi de l'intimidation à grande échelle dans le pays. Je pense qu'il a exagéré dans ses propos. Je m'excuse parce que si nous sommes ici à la radio Isanganiro, il y a eu même des tirs ici, vous le savez, en 2015. Et vous imaginez un médium privé qui accepte que les buteurs entrent et qui déclare qu'ils ont pris le pays par force et qu'il y a justement un combat entre les mutins et la lumière royale et que la radio a justement donné place aux putschistes. Finalement, quelle est la suite? Il y avait des combats entre l'armée, le groupe de mutins et la lumière royale. Et il y a eu des casses. On prend l'exemple de la radio RPA, il faut être clair. Même au niveau de la société civile, ils assistaient à Nyakabiga Kaombrile, un jeune homme, imaginez-vous. Ce n'est pas démocratique. Et voilà les quelques éléments qui ont lié. En tout cas, c'était quelques membres de la société civile qui avaient dévié de leur mission, qui étaient plutôt des politiciens, mais qu'on a déguisés en société civile. Cela a été témoigné par leurs actes. Et voilà. Sur votre question, alors, vous dites que voilà, l'honorable Léon a accepté qu'il y a les symboles de la démocratie. Il a dit qu'il faut plutôt les bâtir. Il a également dit que la démocratie, c'est un mal nécessaire. Absolument. Absolument. Donc, c'est le moins, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Parce que les autres systèmes de gouvernement étaient terribles par rapport à ça. Il a eu le temps d'être clair quand il a fait l'historique. Alors, actuellement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une étape importante quand même. Et quand ils ont dit qu'il y a le gouvernement ne sabotait pas. Il y a d'abord un cas de regard bien défini qui est là, concernant la liberté publique, d'expression, d'association, tout figure dans la Constitution. Il faut plutôt qu'au niveau du gouvernement, au niveau des politiciens, au niveau du peuple, que chacun, en ce qui le concerne, respecte le texte qui est là. Le premier chapitre. Il y a même un chapitre qui précise qu'il y a les textes internationaux auxquels le gouvernement burundais a ratifié et qui sont relatifs aux droits de l'homme, à tout ce que vous avez cité, ils font partie intégrante. C'est écrit dans la Constitution. À la Constitution de la République du Burundi. Donc, c'est-à-dire qu'en tout cas, ça revient plutôt comment mettre en application ces éléments qui sont bien définis dans le cadre des règles que nous avons. Ici, alors, ce n'est pas le gouvernement seul. Vous avez parlé que le gouvernement, il est là, c'est vrai, il y parle au devant, mais aussi les leaders politiques, les partis politiques, rassemblez vos membres, enseignez les principes et les valeurs démocratiques pour qu'en fait de compte, lors des élections, ils sachent comment se comporter. Ici, c'est tous les partis politiques, non seulement l'opposition ou la mouvance, mais c'est tout le monde. Moi-même qui vous parle, je ne connais pas tout. Honorable Léo, c'est un politicien de jadis. Il a dit qu'il vient d'apprendre beaucoup de choses ici. On apprend dans la vie. On ne peut pas tout connaître. Quand je vous ai dit que la démocratie au Burundi a eu des problèmes, j'étais un jeune. Moi, j'aimais beaucoup l'honorable Léo quand il s'exprimait. Et même aujourd'hui. Et donc, il a eu des problèmes. Et le parti était au pouvoir. Vous imaginez l'armée loyale fait le putsch. Il assassine un président. Il est le président de l'Assemblée nationale. Et il est obligé de s'asseoir et partager le pouvoir avec les putschistes. C'est ce qui a été fait avec la convention du gouvernement, malgré lui. C'est un bon exemple. Non, c'est un mauvais. C'était pour vous dire comment la démocratie a été bafouée au Burundi. Et comparer les moments de 93 et aujourd'hui. Il y a une avance, mais pas à 100%. J'accepte quand même qu'il y a certaines valeurs qui doivent être maîtrisées, non seulement par ceux qui sont dans la mouvance, mais également dans l'opposition. Tout le monde, tout le peuple burundais. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on respecte l'autre. Il faut qu'on aime l'autre. Il faut qu'on sache que la liberté d'expression est pour tout le monde. Moi, je suis d'accord. Et heureusement, mais quels sont avec la loi fondamentale que nous avons, tout figure là. Alors, il faut que chacun, à ce qui le concerne, nous fassions tout pour respecter ces principes. Mais au niveau du gouvernement, au regard de l'évolution de cet idéal vers la démocratie, oui. Quels sont les défis que vous rencontrez en tant que gouvernement dirigeant aujourd'hui pour justement atteindre cet idéal? Bon, les défis qui sont là, ils ont été évoqués par le politologue qui est ici à côté de nous. Nous, les Burundais, nous avons essayé d'acquérir la démocratie et ses valeurs fondamentales, ses principes, mais nous sommes encore à un niveau qui n'est pas vraiment évoluer. C'est pourquoi, quelquefois, parmi certains politiciens, vous trouvez qu'il y a de l'intolérance. Si nous, ici, on est en train de faire des débats avec l'honorable, c'est parce que nous ne s'intolérons pas. Disons que nous sommes dans un débat, c'est normal, mais les débats terminés, disons que des idées jaillent la lumière. Même si l'honorable s'est alassé en propos, parce que Foster également, le politologue, et je peux dire, voilà, mais à un moment donné, quand je fais l'examen de conseil, je peux dire, voilà, toutefois, dans tout ce qu'il a dit quand même, même si je suis dans telle position, je vois qu'il manque, il m'a donné une leçon. C'est ici que plus tard, vous trouverez que ce sont des conseils qu'on donne. En fait, les défis, c'est quoi? Il y a le niveau de la compréhension des valeurs démocratiques n'est pas très élevé, que ce soit du côté des leaders politiques et de la population. C'est ce qui pose des problèmes. Si on savait tout cela, si on était à un niveau très élevé, dernièrement en 2015, on ne pouvait pas prendre le chemin de prendre le pouvoir par les forces. Si le pouvoir travaillait mal, selon ses politiciens, il fallait plutôt qu'on s'approche de la population et expliquer, n'est-ce pas? Et dire, voilà, la démocratie est le pouvoir du peuple et pas le peuple pour le peuple. Il faut que vous, le peuple, ça ne marche pas, c'est ça l'opposition. Il faut que vous fassiez tout pour que pendant les élections, vous choisissiez des leaders qui peut-être vont accomplir vos aspirations. Il y a un aspect évoqué par Faustin de Koumana, de mettre le citoyen au centre des programmes. Très important, du gouvernement. Très important. C'est une réalité. C'est une réalité, mais la mise en application, ce n'est pas seulement le gouvernement, il faut que tout Burundi contribue, n'est-ce pas? Parce que nous voulons que le peuple évolue. Nous voulons que le peuple vive dans une paix vraiment interminable. Nous voulons que, au niveau économique, et le niveau de la vie de la population soit relevé. C'est ça les aspirations du gouvernement. Mais il faut conjuguer les efforts, que ce soit les politiciens et le gouvernement et le peuple, pour surmonter ces défis de la pauvreté dont a parlé Faustin Guédakouma. Je m'excuse. Je rappelle à nos auditeurs que l'émission c'est Mosaïque, et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous débattons autour de l'idéal de la démocratie et son évolution au Burundi à l'occasion de la journée internationale dédiée à la démocratie. Dans notre studio, nous sommes avec quatre invités. Terence Nahiraja, assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole de son ministère. Nous sommes également avec Honorable Léonce Nguendakoumana, vice-président du parti Sarwanya Frodebu. Nous sommes au studio avec Faustin Dikoumana, représentant légal de Parole et Action pour le Réveil des Consciences et Changement des Mentalités, PARSEM. Nous sommes avec ambassadeur Denis Banchimiwusa, doctorant en sciences politiques. Mosaïque. Faustin Dikoumana, tant que nous évoquons le citoyen comme centre de préoccupation d'un gouvernement démocratique, quel état des lieux aujourd'hui? Et je parlais tout à l'heure que toute démocratie doit aboutir à l'amélioration du bien-être citoyen, les préoccupations du citoyen, le développement, écouter la vie sociale. Donc, il faut que le citoyen bénéficier des dividendes de d'un régime démocratique quelconque. Faut pas accéder au pouvoir seulement, il faut vraiment s'attaquer aux défis qui rentrent aux citoyens. C'est ça le déficit actuel que nous constatons, parce que nous constatons que l'homme politique burundais actuellement a toujours une mentalité de vouloir régner sans gouverner. Régner sans gouverner, comment est-ce que je peux m'exprimer? Il veut exploiter l'aspect sucré de la démocratie. Préférer la verre et rejeter le revers de la médaille. Ça. Mais le fardon de dire, moi, je dois me donner un cahier des charges que je dois exécuter. Je dois être redevable devant le citoyen par rapport à mes missions. Tous les atouts étaient là au niveau de la cohésion nationale. Le Burundi est une nation vraiment multiséculaire, vous le savez. Qui a un passé profond? Ce n'est pas comme d'autres pays où on amalgame, on regroupe des tribus comme ça ici et là. C'est une vieille nation multiséculaire. On a la même culture. C'est un peuple qui a une même langue. Nous avons deux héros de référence, le prince de Guagasore et le président Melchior Ndadaye. On a fait une charte de l'unité nationale. On a signé un accord de paix d'Arusha pour la paix et la réconciliation qui a inauguré une ère nouvelle de démocratie, de cohabitation pacifique, de partage de pouvoir. Maintenant, où est le problème? Le problème réside dans l'exercice du pouvoir démocratique. Et là, c'est le défi, c'est le comportement de l'homme politique qui ne change pas. L'homme politique qui vise toujours ses intérêts. Cupidité exagérée. Il ne se transforme pas en véritable leader qui doit être au service du citoyen. Ça, c'est un problème fondamental. Et même, c'est le défi central aujourd'hui. Et malheureusement, on constate aussi qu'il surfe sur justement l'ignorance d'une grande masse de citoyens qui ne savent, qui ne savent pas les lois qui les protègent. Cette ignorance de la population ne veut pas être combattue à travers la formation patriotique initiée par le ministère de l'Intérieur. C'est le comportement. C'est ce que nous faisons. D'abord, se faire violence d'abord. Au niveau du comportement, la séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir, c'est pour que justement qu'il n'y ait pas un pouvoir exécutif qui se considère comme un pouvoir qui écrase les autres. Donc, où le pouvoir exécutif a des barrières, des balises, pour ne pas exagérer, parce qu'il y a tendance toujours chez l'homme, vous comprenez, d'abuser du pouvoir quand il en détient. Alors, la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir qui s'équilibre. Il ne faut pas être un roi, il ne faut pas être... Quand tu es ministre, il faut savoir que tu dois être devant le Parlement réellement. Des institutions, par exemple, indépendantes. Les institutions indépendantes à l'instar, comme l'Inspection générale de l'État, la Cour des comptes, tout ça sont des institutions qui équilibrent la gouvernance. Mais à voir comment ils fonctionnent, comment les gens de l'exécutif ignorent certaines lois qui protègent ces institutions, on voit vraiment qu'il y a un problème. Donc, quand on met son intérêt devant, quand il n'y a pas d'équilibre de pouvoir, pour justement baliser ce que l'égoïsme humain, il faut le contrecarrer par des lois et des pouvoirs qui s'équilibrent. Aujourd'hui, alors, il y a ce déficit. C'est pour cela que, même au niveau même de la gestion, de la transparence, de la chose publique, la gestion, la chose publique, il nous est même difficile actuellement, chez certains hommes politiques, de cerner ce que c'est la chose publique, le respect de la chose publique. La Constitution, par exemple, elle insiste sur la déclaration des biens des mandataires politiques. L'entrée et la sortie de les Fox. Mais mini-loi a été votée sur ça. Mais ça n'est jamais mis en application. C'est lettre morte. Donc on veut cet aspect sucré de la démocratie, se donner la violence de déclarer les biens. Donc c'est l'aspect amer, ce qu'il a dit. C'est ça qui nous tue en fait. L'aspect positif, c'est je suis gouverneur, je suis ministre, je construis 3-4 maisons, personne ne me contrôle. Mais si tu déclarais, si les élections étaient là pour te suivre, c'est l'aspect amer. Tu as un cahier de charge pour servir aux citoyens. Si tu te sers toi-même, tu seras pris. Tu seras contrôlé. C'est ça ce qui marque. Toutes ces réalités sont ignorées alors que réellement, c'est cela. En fait, quand, dans toute démocratie, quand on est à l'idée qui est au service du citoyen, mais ces limitations de mandat ou quoi devaient automatiquer parce qu'on doit être fatigué un jour. Et parce qu'on a le fardeau de développer son peuple, de tirer le pays des affaires du sous-développement, d'améliorer le bien-être des citoyens. Mais quand on est là pour se servir, pour échapper à toutes les lois, on voit déjà qu'il y a un problème. Honorable Léon Singenda Kumana, si on admet que le principe démocratique est un idéal vers lequel tout le peuple doit converger, est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les défis qui rencontrent ici au Burundi pour justement arriver à une véritable démocratie? Pour répondre à votre question, je dois partir de ce que j'ai déjà dit. Le Burundi est un pays qui n'a pas de tradition démocratique, qui n'a pas de tradition parlementaire. Et il faut bâtir tout sur ça. Deux, nous sommes dans une phase de transition des pouvoirs militaires dictatoriaux vers les pouvoirs démocratiques. Nous sommes en train de gérer cette situation. Plutôt de voir cette histoire comme un handicap, on ne peut pas l'envisager comme une opportunité. Bon, comme une opportunité, ça serait trop dire. Je vais en dire quelque chose. Alors, puisque nous sommes en train de passer là, nous devons accepter que la voie du dialogue franc et sincère est la voie qui doit être privilégiée pour passer paisiblement ou pacifiquement de ces pouvoirs militaires au pouvoir civil. Mais mes collègues ont dit deux choses très importantes. L'assistant du ministre l'a dit. D'abord, on a dit qu'on ne peut pas avoir un État démocratique sans démocrate. Les démocrates, ce sont les institutions, ce sont les dirigeants. Est-ce qu'on en a aujourd'hui? Ça, c'est une interrogation. Deux, ils ont beaucoup insisté. Pour vous, ça ne suffit pas d'être élu pour se déclarer démocrate. Ce qu'on appelle élection aujourd'hui en Afrique, soit c'est le forcing, soit c'est comme du commerce. Ils font du commerce. On prend l'argent de l'État, on va corrompre les citoyens, on va corrompre tout le monde. On appelle ça élection. On commence vraiment à mentir. Non. Attendez un peu. Les élections, ce n'est pas le commerce quand même. Je vais pouvoir prendre tout le patrimoine de l'État dans une année. Dans une année et demie peut-être. Le patrimoine de l'État. Non. Et monter à l'intérieur du pays. On doit monter avec son propre véhicule. Je ne parle pas de ça. Il y en a même qui montent avec des sacs de riz, des sachets, des poids, pour aller corrompre le citoyen. Ce n'est pas ça, honorable. Ils ont beaucoup insisté sur ce qu'on appelle les valeurs démocratiques. Oui. Ce qui manque aujourd'hui, les valeurs. Maintenant, il y en a qui pensent aujourd'hui que la corruption est une valeur. Il y en a qui pensent que le détournement des biens publics est une valeur, que les marvelisations économiques et financières est une valeur. C'est une antivaleur contre la démocratie. Mais oui, il y a vraiment, on copie des antivaleurs. Il y en a qui pensent que l'exclusion. Il y en a qui pensent que l'exclusion est une valeur. Donc, je suis d'accord avec ceux qui disent que il faut d'abord trouver un cadre et des stratégies appropriées pour d'abord amener les dirigeants, pas les citoyens, à comprendre les valeurs qu'il faut pour gérer une nation. Aux valeurs que le politologue a déjà données, j'ajoute l'excellence. Et tu peux voir, on confie de grandes responsabilités à n'importe qui et on veut des résultats. Vous avez dit que quand on se rend compte qu'on s'est trompé, on le remplace. Il y a quand même des cas évidents, on ne peut pas se tromper. Il y a des cas évidents, on ne peut pas se tromper. Vous voulez que je vous donne les exemples? Deux, je ne vous en donne pas. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Là, si on ne le fait pas, le pays ne va pas avancer. Quand cela ne tienne. Alors, les défis, si je parle de tout cela, le premier grand défi, c'est que, en fait, nous avons hérité d'une situation très compliquée, très difficile. Peine on entre difficilement dans un système démocratique en 92, difficilement. Je connais ce qui s'est passé. Immédiatement, les fossoyeurs de la démocratie renversent les institutions. Ils créent un vide politique et institutionnel au niveau de l'État. Une guerre éclate et malheureusement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont vécu tout cela, qui ont constaté tout cela, n'ont pas tiré beaucoup de leçons. Pourtant, le premier protocole de l'accord d'Arusha interdit à tout gouvernement de recréer les causes historiques du conflit burundais. Alors, quand je les vois en train de recréer ces causes, pratiquer l'exclusion, pratiquer l'intimidation, pratiquer l'intolérance. Quand je les vois installés sur tout le territoire national des monuments, dont la signification, franchement, je ne comprends pas quand ils écrivent sur ces monuments qu'ils ne sont pas prêts à céder le pouvoir. Ça veut dire qu'ils sont prêts à garder le pouvoir par la force, par la voie des armes, comme les autres le faisaient dans pas le pas par les armes, mais par la voie de la démocratie. Comment est-ce que tu peux dire que tu ne vas pas quitter le pouvoir, quelle que soit la voie qui sera. Dire quelle que soit la voie. Ça veut dire qu'on est prêt à se battre pour le maintien de son pouvoir, par n'importe quelle voie. Vous parlez de 2015. Par le jeu démocratique. Non, c'est pas ça. C'est le jeu démocratique. Vous parlez de 2015. Pourquoi est-ce que 2015 a dégénéré? Ça était la mauvaise gestion des manifestations qui étaient autorisées. Non. Les manifestations violentes. J'étais là. Vous n'étiez pas manifestation. J'étais là. C'est vous qui avez ouvert les Kamigas. C'était des sélections. Pas les Kamigas. Nous avons ouvert les manifestations au centre de Bangoura, au marché. Au centre de Bangoura. Il y a une délégation qui est allée à la Kamiga après. Il y avait les Minan et les autres. Alors, la mauvaise gestion de la répression des manifestants. Alors, c'était plutôt des sélections. Ce n'est pas comme ça. Ce sont des sélections. Je sais ce qui s'est passé. Il y a une loi relative et n'a pas été respectée. La Constitution n'a pas été respectée dans la gestion. J'ai même fait un point de presse. Ok. Je vous demandez à tous ceux qui veulent manifester de respecter les procédés. Le fait que les manifestations ont dégénéré, que cette situation a dégénéré, ça a été la mauvaise gestion. Des manifestations. Et ils l'ont fait sciemment. Ils ont voulu. C'était les exécutifs, c'est pas les manifestations. Ils n'ont pas voulu. Le deuxième défi. Si on revient là, c'est autre chose. Groupe de défi. Oui, oui. C'est que le parti CNDD-FDD, qui est au pouvoir, c'est un parti quand même qui reste fondamentalement attaché à l'aspect militaire de la gestion du pouvoir. Je les ai suivis dans des campagnes comme ça quand ils disaient qu'on ne peut pas concevoir un parti qui n'a pas de militaire. Est-ce qu'il y a un parti aujourd'hui qui a non, il n'y a pas de militaire. Il s'appelle FDD, ça veut dire quoi? Force pour c'est la défense de la démocratie. Mais les armes. Ce ne sont pas les armes. Mais force, ce sont les idées. Ce sont les idéologies. Ce sont les principes. Non. On sait, nous connaissons. Ce ne sont pas les armes. Alors quand je les vois aujourd'hui rester dans la culture, c'est comme le front, on dirait que c'est on a peiné, il faut quand même en dire quelque chose. La pratique de l'exclusion dans cette constitution qui vient de faire promulguer, ils ont exclu tout le monde. Je vous fais un exemple. Il y a un article qui dit qu'un indépendant, pour faire la campagne, se faire élire comme député, il doit avoir 40 ans. Un individu. Mais un parti politique comme le CNDD-FDD. Comme le CNDD-FDD. Comme le Frodebo. Comme le Frodebo aussi. Deux. Comme le Frodebo, même l'autre parti politique. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas quoi? C'est inimaginable. Mais on a voulu renforcer les partis politiques. Mais vous. Ah oui. La Constitution protège tous les citoyens. La Constitution ne protège pas uniquement les L'indépendant a son droit. D'abord, la Constitution doit protéger le plus faible. Le plus faible d'abord. Le plus faible, c'est qui? Sinon, le plus faible, c'est qui? L'indépendant. Non, le citoyen, le dépendant politique. Vous croyez? Par contre, l'indépendant, il est plus fort. Quelqu'un qui dit, voilà, moi, je vais faire la campagne, moi, c'est qu'il est très fort. Plus justement, vous. Non. Honorable Léon Senghenda, comment vous. Notre défi, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est le chômage, c'est le système éducatif qui est en panne. On va le voir. Enfin. La dernière, c'est ce que l'image de notre pays, c'est une image vraiment négative aujourd'hui. Le pays est presque isolé. C'est un problème. Honorable Léonce, dans deux minutes, qu'est-ce que vous proposez justement pour que le Burundi soit gouverné de façon démocratique, si ce n'est pas aujourd'hui, surtout dans l'avenir? La première chose que je propose, c'est quand même de maintenir les acquis de la démocratie. Même si cet héritage reste, n'est pas parfait, il faut d'abord maintenir les acquis. Ça veut dire maintenir les partis politiques, maintenir la société civile, maintenir les médias, maintenir la voie des élections pour accéder au pouvoir. Non seulement pour accéder au pouvoir, ils l'ont dit, mais pour le gérer aussi et pour le quitter. Hein? Et enfin, il faut obligatoirement et impérativement, pour que la démocratie soit renforcée, il faut mettre l'homme au centre des préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'homme n'a pas de valeur. Le citoyen n'a pas de valeur. Il reste infantilisé. On dit qu'il est la source du pouvoir. On dit démocratie. Bon, qu'a dit Burundi? Démocratie, pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est la définition que vous avez donnée. Bon, c'est la définition universelle. Est-ce que vraiment c'est un pouvoir du peuple aujourd'hui? Est-ce que c'est exercé par le peuple? Hein? Non. Pour il vous, faut que le pouvoir... Il y a un putsch alors, pendant les années 2015. Un putsch constitutionnel. Il n'y a pas eu d'élection. Vous souhaitez effectivement que le pouvoir soit du peuple, par le peuple et pour le peuple. Absolument. Ça sera un processus continu. Ce n'est pas maintenant. Maintenant, ce qu'il nous faut... C'est l'objectivité, c'est ce qu'il y a, c'est la tolérance, c'est le compromis. Il faut que les dirigeants s'en imprègnent. Qu'est-ce qu'ils continuent dans le système de l'exclusion, de la violence, de quoi? Ils vont éduquer les gens à la violence, ils vont éduquer les gens à l'exclusion. Je passe la parole au politologue, ambassadeur Denis. Tantôt, on a évoqué beaucoup de défis par rapport à l'idéal de la démocratie. Vous avez demandé la parole. Mais également, nous sommes vers la fin de cette émission. Surtout, nous voudrions que vous proposiez des solutions pour que le Burundi soit gouverné de façon démocratique. S'il fallait que je rappelle à l'honorable Léonce, ne pas avoir de tradition démocratique ne signifie pas nécessairement ne pas devenir démocratique un jour. Oui, tout s'apprend. Oui, c'est vrai. Donc, Il faut garder à l'esprit cela. Mmh. Alors, deuxièmement, comme il faut le savoir, la démocratie a des voies et des principes. Et parmi les piliers aujourd'hui de la démocratie, ce n'est pas comme à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Parmi les piliers aujourd'hui incontournables figurent les partis politiques. Qu'on le veuille ou pas, qu'ils soient mauvais ou bons, on doit avoir les partis politiques. Alors, il faut avoir de bons leaders, comme vous le disiez tantôt. Et pour avoir de bons leaders, il faut avoir de bonnes élections. En matière de sciences politiques, on parle d'élections sincères. Et justement, Léonce, il ne faut pas simplifier les choses pour dire, pour parler d'élections acceptables, pour que l'élection soit acceptable, il faut qu'elle ait été sincère. Et être sincère, c'est-à-dire remplir un certain nombre de critères. Alors, pour qu'il y ait élections sincères, il faut qu'il y ait des partis politiques solide, fort. Et pour qu'il y ait des partis politiques solides et forts, il faut qu'il y ait libération de l'espace politique pour une animation politique. Qu'est-ce qu'une animation politique? L'animation politique, c'est au moment où les membres, communément appelés les militants, mais dans un terme général, on parle d'adhérents, les adhérents des partis politiques vont sur terrain pour débattre de la vie du pays, discuter, échanger. C'est ça l'animation de la vie politique. Alors, du moment que cette animation de la vie politique n'a pas lieu, est faite par l'une ou l'autre formation politique et refusée à l'autre, là, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité. Et ça conduira à une mauvaise élection. Donc, il faut éviter tout cela, tant qu'on parle de défis à relever et la manière de les relever. Alors, les partis politiques sont incontournables actuellement. Il faut les dynamiser. Il faut que les leaders partisans ne gèrent pas. S'il faut encore une fois revenir en interne, il faut que les leaders partisans ne gèrent pas de manière personnalisée leur parti politique. Il faut qu'il y ait démocratie à l'intérieur des partis politiques. Parfois, Léonce, s'il fallait parler de nyakourisation, le terme qui est devenu très courant et qui est affilié à un parti politique au pouvoir. Parfois, si on regarde très bien, c'est pas toujours le parti politique au pouvoir qui divise les partis. Il y a parfois la faiblesse des partis politiques eux-mêmes qui occasionnent ces dissensions et dont la branche minoritaire s'en remet au parti au pouvoir. Et maintenant, c'est le parti au pouvoir qui endosse le tout, alors que la grande faiblesse a commencé à l'intérieur. Pardon, ça s'en remet au pouvoir. Oui, la partie minoritaire s'en remet au parti au pouvoir pour protection. Et comme ça, c'est le parti au pouvoir qui endosse la responsabilité, alors que c'est parti de l'interne des partis politiques. Voilà donc quelques exemples. On a évoqué aussi un aspect très important par rapport à mettre le citoyen au centre de l'activité gouvernementale. C'est le troisième aspect que je voulais relever. J'ai dit que c'est à partir de 2005, on marche sur les bases, les acquis démocratiques tracés par l'accord d'Arusha, qui a montré que le citoyen doit être au centre des préoccupations à travers le respect de ses droits, ses libertés individuelles et politiques. Mais parfois, si vous permettez que je donne un petit exemple, parfois on assiste à la déconstruction des acquis démocratiques d'Arusha. Un exemple que je donne, c'est en 2009, avec l'amendement du code électoral, on a introduit le fait que si un élu, député ou sénateur, même conseiller communal, quitte son parti ou est chassé de son parti, il perd automatiquement son siège. Cela signifie quoi? C'est une déconstruction. Pourquoi? Parce que dans la Constitution, il est dit que le mandat impératif est interdit. Le représentant du peuple a un caractère national. Si vous dites que s'il perd l'appartenance à un parti politique, il est directement chassé, cela signifie que maintenant, il ne va plus représenter la nation, mais il va faire tout pour satisfaire à son parti politique. Voilà. Afin qu'il n'en soit pas chassé. Ça, c'est un recul. Donc, il faudrait débattre pour essayer de ne pas déconstruire certains acquis d'Arusha. Je ne dis pas que Arusha est une Bible parfaite, il faudrait l'améliorer, mais il ne faut pas le déconstruire dans ses acquis démocratiques. C'était un autre exemple que je voulais donner. Parce que si le représentant du peuple ne représente plus le peuple, mais se bat pour son parti politique, c'est le citoyen alors qui est resté à lui-même. Voilà. Terrence, au niveau du gouvernement, par rapport aux éclairages surtout donnés par Denis, pensez-vous à rester engagé vers cet idéal de la démocratie? Le gouvernement burundais a toujours essayé de respecter tout ce qu'il a dit. C'est pourquoi d'ailleurs, lors du dialogue inter-burundais, le gouvernement a d'abord accordé la parole à la population, sans exception aucune, pour qu'on puisse débattre sur toutes les questions relatives à la vie nationale. C'est un des exemples récents qui a été déjà fait. Et tout le monde était invité pour donner ses contributions en vue de pouvoir relever certains défis qui hantent notre pays. Alors, le gouvernement burundais essaie de tout faire, mais parfois, il est empêché par certains politiciens qui n'ont pas encore maîtrisé les valeurs démocratiques. Je reviens toujours à ce que j'avais dit. À qui fait-il? En témoigne l'exemple, en fait, en 2015, mm-hmm. on pensait vraiment qu'on ne penserait plus à d'autres histoires de procès à la violence pour accéder au pouvoir. C'est impossible, en fait, dans les principes démocratiques. C'est pourquoi, en fait, le gouvernement actuel fait tout, essayer de travailler sur la base des doléances de la population. Il revient à chacun de nous, à chacun de vous, d'appuyer le gouvernement pour que cet objectif soit effectivement atteint. Voilà. Faustin Dikoumana, pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour maintenir le Burundi sur les rails vers l'idéal de la démocratie? D'abord, quand on parle que les Burundais n'ont pas de tradition démocratique, moi je relativise. Je relativise parce que la démocratie en soi, ce n'est pas une fin. La démocratie, c'est un tremplin pour une meilleure gestion de la société. C'est pour idéaliser la bonne gestion de la société. C'est un tremplin. Ce n'est pas une fin en soi. Les Burundais aiment quand même la justice. Le Burundais n'aime pas l'injustice. Le Burundi aime s'exprimer. Les valeurs démocratiques, elles sont apprentissement et ne sont pas cultivées. Dans le temps, on disait, mais il y a un adage qui disait que Umwami. Ça signifie quoi? Ça signifie que même le roi, il y avait des gens qui devaient... Effectivement, les conseillers, tout ça. C'est pour cela que le défi principal aujourd'hui, je le répète, c'est le défi que nous avons, c'est le comportement, la mentalité de la politique burundaise actuelle, du pouvoir et de l'opposition. S'il n'y a pas un changement, je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint qui va descendre en eux, ou si c'est un renouvellement de la classe politique, ou si c'est des nouvelles qui vont... En tout cas, il faut faire examen de conscience, introspection, vivement induit, les gens sont fatigués parce que vous voulez toujours sucer le côté sucré de la démocratie. On ne veut pas faire l'effort, on veut régner sans gouverner, sans s'attaquer aux défis du pays, sans se faire violence, déclarons nos biens, il ne faut pas agissement illicite, donc tout cela. Il faut vraiment un changement de comportement, de mentalité. Vous voulez dire que le gouvernement actuel ne fait que sucer le peuple? Non, je dis l'homme politique burundais, l'homme politique burundais qui doit changer de comportement. En général, c'est aussi valable. Il y en a qui aiment la population, il y en a qui aiment la population. Je dis l'homme politique burundais en général, celui qui est au pouvoir et à l'opposition doit changer de comportement. Okay. C'est un appel vraiment des nouvelles idées, vraiment du leadership politique, sinon vraiment tout était là. J'ai parlé des documents que nous avons, charte de l'unité, accord d'Arusha par la conciliation, on parle les mêmes langues, les documents sont... Mais on est toujours, hein, on passe toujours dans l'insécurité, réfugié là. C'est un examen de conscience qui doit être fait pour que justement nous modernisons régulièrement même ces aspects démocratiques, tout ce que a dit monsieur le politologue, par exemple, les listes bloquées parlementaires. On devrait voir plutôt comment améliorer nos lois pour que justement cette démocratie nous aide à mieux gérer notre société, à minimiser davantage les défauts, le vide universel de l'homme. Parce qu'il y a des défauts universels de l'homme. Les gens, pour améliorer la gouvernance, ils essaient comment baliser, faire des contre-pouvoirs pour limiter les excès de l'égoïsme humain quand il est en train de gérer. S'il gère une nation, il faut des balises, il faut des contre-pouvoirs pour que justement la gestion de la chose publique soit mise à rude épreuve. Voilà, l'émission était intéressante, mais le temps nous talonne et nous fait défaut. Je dis merci à nos participants à ce débat de Mosaïque d'aujourd'hui. Et dans Mosaïque aujourd'hui, nous débattions autour de l'idée de la démocratie et son évolution ici au Burundi à l'occasion de la journée internationale dédiée à la démocratie célébrée chaque 15 septembre de l'année. Et nous remercions nos quatre invités, Terence Nairaj, assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole à son ministère. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Mosaïque d'aujourd'hui. Merci beaucoup et j'aimerais porter la connaissance de l'opinion internationale et que le gouvernement burundais ne ménage aucun effort pour respecter les principes de la démocratie. Nous disons également merci à Honorable Léon Singendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup. Comme mon collègue, je dis, la démocratie, c'est un exercice. Dans les pays pauvres et divisés, cet exercice est très difficile. Alors, pour y faire face, je pense qu'il faut recourir aux experts en ce domaine de la démocratie, dans le domaine politique, pour faire émerger au Burundi une nouvelle génération politique, tant au niveau des partis politiques qu'au niveau de la nation. Merci. Je dis également merci à l'ambassadeur Denis Banchimiyoubusa, doctorant en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'émission Mosaïque. Merci beaucoup également pour votre invitation. Je dis également merci à Faustin Ndikumana, représentant légal de Parole et Action pour le Réveil des Consciences et Changement des Mentalités par SEM. Merci de nous avoir invités. Je répète encore une fois, changement de mentalité de comportement chez nos hommes politiques. Le peuple est fatigué. Merci à vous tous à l'écoute de l'émission Mosaïque. À la réalisation, vous étiez avec Makoto Charles. La technique était assurée par Aimé Toussaint Mitevutsi. À l'animation de Mosaïque d'aujourd'hui, Pacifique Chubairo. À vous tous à l'écoute de cette émission. Nous vous souhaitons encore une fois bonne suite des programmes sur la radio Isanganiro. Mosaïque.